Ces enfoirés veulent crever la bête. Faut que je revienne dans la tête pour les cachots. Et j'ai cramé ma pipe dans la presse. J'ai dû brouiller les pistes et le réseau. En vrai, ce n'est qu'une question de time. On regarde comme les chips ont repris le bail. Ça commence en fou rire, ça finit en train. Pour garder ma plage, toi exporter le sale. Oh oh. Je sais qu'on vit pas la même chose. Quand tu réussis, faut faire semblant d'être pauvre. Je sais qu'on vit pas la même chose. Hey, je te la mets. Y'a pas de ralentir, faut pas casser les couilles. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est heavy, c'est violent, interdit aux touristes. Enfoiré, hein. Ils ont pété les colis, j'ai pété la folie. Pété la folie, pété la folie. Ça joue les gros bonnets, or que c'est les des gros fuck, la police faut les arracher. Je suis le noué, mais je la mets dans les arrêts. M'aimerait-elle encore si je vais chez Zara? M'aimerait-elle encore si j'avais zéro? Là, je suis trop en pétard, j'ai le cardio d'un colo de Kanté. Wesh ma gueule, pourquoi tu coumas? Est-ce que tes potos sont sortis du coma? Dis-moi. Ça part en couille, négro, ça part en couille. Les petites sœurs des gens font les caca, la bas en schneck. Igo, c'est des parasites. Des fois, les keufs, ça parle en ingala. J'avais dit venez, ils étaient beaucoup. Ils ont couru quand j'ai sorti le bail. J'arrose des charros, j'ai fait des coraux. 91, c'est comme ça on fait. Et tu sais bien qu'on n'a pas fait ça pour l'argent. Dénigré pour eux, je resterai qu'un délinquant. J'ai sorti le bail, j'ai sorti le bail, t'as fait la danse. L'odeur du crime, ici c'est chaud, faut que t'as trop longtemps qu'on est dans le délire. Ces bâtards, j'ai dû les punir. Marrakech, recompte les dirhams, j'suis dans le lambeau, pourtant j'suis vénère. Faut mailler, envoie le cachet, vu sur la corniche, la vie de Pacha. J'ai le prestige, j'suis dans le placement, bavé en béton, qui mange que cachère. La poche est pleine, pourtant le cœur est vide. 18 bouteilles, j'suis dans le carré vide. La police me pisse comme un salafiste. Y'a toujours une taupe dans une salle à faire. Toujours une poucave, qu'a donné des blagues, putain c'est la merde. Eux c'est pas des shows, ils ont peur du hype, ils vont pas me la mettre. Jamais. C'est fini l'époque de l'agora, aujourd'hui je fais bugger l'algorithme. Bugger les timides. Je suis Goro dans les oreilles, la petite a kiffé le gorille. Bonga, bonga, ouais. Et tu sais bien qu'on n'a pas fait ça pour l'argent. Dénigré pour eux, je resterai qu'un délinquant. J'ai sorti le bail, j'ai sorti le bail, t'as fait la danse. L'odeur du crime, ici c'est chaud, faut que t'as la caille, j'ai chanté le bain. Aujourd'hui je les vois dans le rétro. Elle a cramé le prix de ma veste. Elle me dit qu'elle veut quitter le ghetto. Y'a beaucoup de vibes, ça devient inquiétant. Si ça part en couille, j'appuie sur la tête, hein. Mais pour l'instant tout va bene. Tout va bene, tout va bene. Tant que les briques s'entassent. Obligé de marcher gainé. Y'a trop d'ennemis en face.